بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه كلمة موجهة لإخواننا وأبنائنا من طلبة العلم في فرنسا، وخاصة في مرسيليا وفي مدينة فوس وفي غيرها من المدن. حفظ الله إخواننا من المسلمين في هذه البلاد، ومتعهم الله تعالى بالتقوى والهداية والثبات على دين الإسلام. إخواني بارك الله فيكم، اعلموا أن من فضل الله عليكم أنكم من المؤمنين الموحدين بالله. أن جنبكم الله تعالى أعظم ذنب على وجه الأرض، وهو الشرك والكفر بالله تعالى. فإنكم تنظرون أمام أعينكم بالليل والنهار من أهل الكفر في هذه البلاد، الذين لا يوحدون الله ولا يعبدون الله ويشركون مع الله آلهة أخرى. وأنتم قد خصكم الله تعالى بالإيمان والتوحيد والسنة، فنسأل الله أن يثبتكم على هذا الأمر، فاعلموا أنكم على أمر عظيم، وقد فقهتم قول الله تعالى وهداكم الله أن تكونوا ممن يعبدون الله تعالى. فأنتم تعلمون إخواني أن الله تعالى إنما خلقنا لهذا الأمر العظيم، وهو توحيد الله وإخلاص العبادة له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فاحمد الله على هذا الخير العظيم، فاحمد الله تعالى بألسنتكم وقلوبكم وجوارحكم وكل ما أوتيتم شكرا لله وتعظيما له بهذه المنة العظيمة والفضل العظيم. واعلموا أن من نعم الله عليكم وما أوصاكم به أن تطلبوا العلم الشرعي، فإنه هو المثبت لكم على هذا التوحيد وهذا الإيمان وهذا الثبات على العقيدة الصحيحة، عقيدة السلف الصالح. لا يثبتكم على ذلك ولا يقيمكم عليه إلا العلم الشرعي. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وحسنه الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فدل هذا الحديث على أن هناك جانبا من العلم الشرعي فريضة، فرض واجب على كل مسلم ومسلمة. ما هو هذا العلم؟ هو علم العقيدة أولا، علم العقيدة أولا، علم التوحيد، علم توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. هذا علم فرض عين على كل مسلم ومسلمة. ثم علم الصلاة، علم الصلاة وشروطها علم فرض عين على كل مسلم ومسلمة. وقبل ذلك علم معرفة هذا النبي عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله، أرسله إلينا بالكتاب، كتاب الله القرآن، وبالسنة. فعلينا أن نتمسك بما جاء به ونتبعه، فلا دين لمن لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ركنان عظيمان. الركن الأول إخلاص العبادة لله وحده، الركن الثاني اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم كما ذكرنا علم الصلاة وشروطها وأركانها وواجباتها وسننها وغير ذلك، وكذلك علم الزكاة لمن كان عنده مال من النقدين أو الأنعام أو عروض التجارة أو الزروع وغير ذلك، ثم علم الصيام إذا حل شهر رمضان، ثم علم الحج وأركانه وعمرته لمن أراد أن يحج وتيسر له ذلك. وهكذا كل ما حصل أمر لمسلم بضرورة أن يعمله فوجب عليه أن يتعلم في ذلك علما شرعيا واجبا. ثم أن العلم بعد ذلك في الأمور الأخرى فرض كفاية، ولا ينبغي لمؤمن ومسلم أن يتهاون في قلب العلم في طلب العلم الفرض كفاية، فإن بالعلم يثبت الإنسان على الإيمان وعلى الإسلام وعلى اتباع الرسول وعلى فعل العبادات وعلى السلوك الحسن وعلى الآداب والأخلاق الجميلة الطيبة الفاضلة، ينمو ويرقى ويصعد ويكمل بذلك بالعلم الشرعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. انظر، إذا أراد الله بك خير دفع بك إلى العلم الشرعي. من يرد الله به خير يفقهه في الدين، في كل علوم الدين، علم الكتاب، علم السنة، علم العبادات الأصول، علم الفرائض العبادات العملية، علم البيوع، علم الأنسحة، علم المعاملات، علم الأخلاق، علم الآداب، علم كل شيء. فينبغي على كل مسلم، ينبغي عليه أن يهتم بالعلم. العلم نور يا عباد الله، العلم نور يا عباد الله. وما ابتلي من ابتلي بالكفر أو البدع أو المعاصي إلا لما حل به من الجهل، فإن العلم نور يخرج الناس من ظلمات الكفر ومن ظلمات البدع ومن ظلمات المعاصي. والجهل شر عظيم يوقع الناس في الكفر وفي البدع وفي المعاصي، فإياكم ثم إياكم والحذر من الجهل، وترفعوا بالعلم واستقروا على العلم واطلبوا العلم. بارك الله فيكم. ومن فضل الله عليكم يا أهل فرنسا، وخاصة يا أهل مرسيليا، أن جعل الله بينكم من تطلبون العلم على يده. الشيخ الفاضل المحترم الجليل الشيخ عبد الهادي الجزائري حفظه الله تعالى وبارك الله في جهوده، شيخ مبجل مثني عليه من أهل العلم، موصى له بالعلم والشهادة على ذلك، وموصى لأهل طلبة العلم أن يحتفوا حوله ويأخذوا منه العلم، فهو شيخ مبارك ما علمنا عنه إلا كل خير، على سنة وعلى ثبات وعلى علم نافع، فاحتفوا حوله بارك الله فيه، واهتموا بأخذ العلم عنه، واسألوه عما عنا لكم من إشكالات في أمور دينكم، واهتدوا بهديه، فإنه كما علمنا وعرفنا شيخ فاضل صاحب علم وسنة، وهذا من فضل الله عليكم. واعلموا أنكم في بلاد كفر تتعارض أمامكم أمور من الكفريات ومن البدع ومن المعاصي ومن الأمور التي لا يعلم بها إلا الله، فليكن مرجعكم على هذا الشيخ، ترجعون إليه في المدلهمات وفي طلب العلم في كل صغيرة وكبيرة. نسأل الله أن يبارك لكم ويبارك الشيخ جهوده الطيبة المباركة التي يقوم بها في هذه البلاد. واحذروا يا عباد الله، يحذروا من الشرك، من الكفر، من الطغيان، من البدع، من المعاصي بكل أنواعها. واحذروا دعاة البدع، دعاة الضلال، دعاة الحزبية، دعاة التكفير، دعاة الخروج على المسلمين، على الحكام وعلى المسلمين وتكفيرهم، فإنهم قد عم بلاءهم وصم في بلاد الإسلام وفي غيرها. فاحذروهم واتقوا الله في أنفسكم وفي أهلكم وفي دينكم، فكونوا صورة طيبة للإسلام في هذه البلاد بأخلاقكم وعقيدتكم وعبادتكم وتمسككم بالدين وآدابكم الحميدة، تكونوا قدوة، من رآكم عرف أن هذا دين حق فانخرط فيه. كونوا دعاء إلى الله تعالى بعلمكم وبأخلاقكم وبسلوككم وبمعاملاتكم، كونوا دعاء الإسلام بهذا الأمر العظيم. واحذروا من المعاصي، فما أكثرها لا كثرها الله تعالى في هذه البلاد، المعاصي بكل أنواعها من فسوق وزناء وتشديد وخمور ودعارة وزناء ولواط، وما أكثر المعاصي في هذه البلاد. فاتقوا الله، اتقوا الله واثبتوا على الدين وحافظوا على الاستقامة وحافظوا على صلاة الجماعة في المساجد للرجال، وحافظوا على السنن واثبتوا عليها، وحافظوا على مجالس العلم والذكر مع العلماء مع المشايخ الشيخ عبد الهادي ومن زاركم، احتفوا حولهم واجلسوا مع العلماء الأفاضل وانهلوا من علمهم، فإن الله أراد بكم خير، فعمدوا إلى هذا العلم واطلبوه بكل الطرق التي تتهيأ لكم، واعلموا أن العلم شأنه عظيم، طريق إلى الجنة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما يسر الله له بقيه طريقا إلى الجنة. هذا نعمة عظيمة. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. انظروا، الدنيا مردولة، ملعون أي مردولة، إلا ذكر الله. ذكر الله شأنه عظيم، ذكر الله شأنه عظيم في الدنيا. وما وال إليه أي ما أدى إليه ذكر الله تعالى، وعالما بعلم الله تعالى ودين الله تعالى يعلم الناس، أو متعلما يلزم أهل العلم ويحتف بهم ويأخذ منهم. هؤلاء ميزهم الله تعالى بأنهم على خير عظيم، فكونوا منهم بارك الله فيكم، فكونوا منهم بارك الله فيكم، وتمسكوا بهذا الغرض واعلموا هو النجاة إليكم من شر الدنيا والآخرة، والذي يثبتكم في هذه الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويثبتكم على الصراط، ويثبتكم في المحشر، ويثبتكم إلى أن تدخل الجنة خالدين فيها مخلدين. فاتقوا الله يا عباد الله، واحرصوا واهتموا بإخوانكم طلبة العلم الأفاضل، مثل ابننا الفاضل جمالي حفظه الله تعالى، الذي يقوم بالتدريس في بعض مدن هكذا بلاد فرنسا. فاهتموا بمثله وأمثاله ممن يعلمونكم ويدلونكم على الخير ويحرصون عليكم، وكونوا إخوة متحابين متلازمين، لا متشاحنين ولا متفاتنين، ولا يتحرش بينكم أهل البدع. واحذروا من الحزبيين، من إخوان المسلمين، من أصحاب التبليغ، من الفرق الضالة، من السروريين، من التكفيريين، من الدواعش وغيرهم. احذروهم وتبرؤوا منهم، وتبرأوا منهم، وليبرأ الإسلام منهم ومن أفعالهم مما قد يفعلون في هذه البلاد وغيرها، فإنهم لا يفعلون خيرا ويسيئون الإسلام. ولكن كونوا أنتم مرآة طيبة للدين الإسلامي وللعقيدة الطيبة وللسلفية المنهج الصحيح الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخلاقكم وإيمانكم ومعاملاتكم وستركم لنسائكم وحجابكم، ولا تبالوا بمن شاغبكم في ذلك. احرصوا على هذا الأمر، فطاعة الله مقدمة، لا طاعة لمخلوق كائنا من كان في معصية الخالق، وإنما الطاعة الكاملة لله تعالى ولرسوله ولكتابه ولما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الدين الحليف المستقيم. هذا أمرنا به، وهذا سنسأل عنه، وهذا الذي ينجينا في الدنيا والآخرة. فاتقوا الله يا عباد الله، واحرصوا على هذا الأمر، وكونوا إخوانا متحابين يسر الله لكم التقوى وثبتكم على الجادة وعلى الإيمان والسنة وحفظكم على ذلك وعلمكم ما ينفعكم ونفعكم بما علمكم وجعل ما علمتم حجة لكم لا عليكم. والله المستعان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قاله أبو أنور سالم عبد الله بن حج في مكة يوم الأربع يوم الخميس التاسع من شهر جماد الأول عام 1437 هجرية، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. J'ai essayé de traduire une nasiha, vraiment donc qayyima, du Cheikh Ba Mahraz, hafizahullah ta'ala, donc qu'il a faite aux musulmans de France de manière générale, et surtout donc à ceux yani, qui essayent de s'accrocher et qui essayent d'apprendre leur religion. Et elle était surtout dirigée donc aux frères qui sont dans le sud, et spécialement aux frères qui sont à Marseille, puisque c'est eux qui ont demandé donc cette kalima, cette parole, cette exhortation donc de la part du Cheikh Ba Mahraz, hafidhahullah ta'ala. Donc j'essaie de la traduire correctement, mais donc de manière résumée. Donc le Cheikh donc s'adresse, hafidhahullah ta'ala, il s'adresse donc aux gens de France, aux musulmans donc de France, et notamment donc surtout, comme vous allez le voir à travers donc plusieurs de ces paroles, à ceux qui essayent d'apprendre leur religion, mais de manière générale donc aux musulmans qui se trouvent en France. Donc il dit, hafidhahullah ta'ala, il dit: sachez que parmi les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous, c'est qu'Allah donc ait fait de vous des croyants, et qu'il vous a éloigné du plus grand péché qui se trouve sur la terre, c'est-à-dire donc le polythéisme. Malgré tout ce que vous pouvez voir dans ce pays, qui s'adresse aux Français, malgré tout ce qu'on peut voir donc dans ce pays comme type de mécréance, comme polythéisme, adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme également donc comme ilhad, l'athéisme, le fait de mécroire en l'existence même d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah azza wa jalla, donc parmi ses grâces et ses bienfaits, c'est qu'il nous a fait croyants et il nous a éloignés donc de tout cela. Il nous a guidés sur le droit chemin, nous a guidés vers l'islam, vers le tawhid, vers la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a guidés donc vers tout cela. Et tout cela, c'est pour cela que nous avons été créés. Nous avons été créés pour l'adorer et lui vouer un culte exclusif, comme il a dit, subhanahu wa ta'ala, ou la traduction rapprochée du verset: je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Nous devons donc remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce grand bienfait qu'il nous a donné, donc la foi, et nous a guidés vers le droit chemin. Nous devons donc le remercier avec notre cœur, avec notre langue, et également donc avec nos membres, en utilisant ses bienfaits dans ce qui agrée Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette croyance, cette bonne aqida, ce bon dogme, cette bonne croyance vers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidés, qu'Allah azza wa jal nous a octroyé, nous ne pourrons l'entretenir et la raffermir que donc en étudiant la science, qu'en apprenant donc l'islam, qu'en apprenant notre religion. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme l'a rapporté Anas ibn Malik, et c'est dans Sunan al-Tirmidhi, un hadith rendu hasan par Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, il a dit sallallahu alayhi wa sallam: L'étude de la science est une obligation pour chaque musulman. L'étude de la science est une obligation. Est une obligation pour chaque musulman. Chaque musulman, donc, et même chaque musulman. Et comme vous savez, donc, la science se partage en deux. Il y a la science, donc, obligatoire pour l'ensemble des musulmans et des musulmanes dans le monde entier, quel que soit leur sexe, leur âge, leur origine, leur langue. Et il y a donc ce qui est obligatoire pour une certaine partie de la communauté, donc, c'est-à-dire donc les savants et les étudiants. Quel est ce qui est obligatoire de savoir donc pour chaque musulman et chaque donc musulman et musulmane? Tout d'abord, apprendre la bonne croyance. Apprendre l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Apprendre la bonne croyance. Les piliers de la foi, le destin, yom al-qiyam, tawhid, la bonne croyance. Et ensuite donc, apprendre à connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont donc deux piliers en un. Deux piliers en un, matérialisés et traduits plutôt par notre shahada, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Par l'étude du tawhid, donc on apprend à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, et par l'étude donc de la mutabara, l'étude de du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on apprend à le suivre, à concrétiser donc réellement cette attestation de foi. Ensuite, il est obligatoire également pour chaque musulman d'apprendre la prière, d'apprendre à faire la prière, d'apprendre quelles sont les conditions de la prière, quels sont ses piliers, quelles sont ses obligations, quelles sont ses sunan, les choses surérogatoires que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc pratiquait à l'intérieur de cette noble adoration. De même qu'il est obligatoire pour celui qui possède de l'argent ou un commerce ou des récoltes ou un élevage, il est obligatoire donc d'apprendre quelles sont les règles de la zakat. Il est obligatoire aussi, lorsque vient le mois de Ramadan, d'apprendre quelles sont les règles du jeûne. Il est obligatoire aussi pour celui qui veut faire le pèlerinage et pour celui à qui ça aura été facilité, d'apprendre quelles sont les règles du hajj. Et il en est donc de même pour toute personne qui veut faire entreprendre, faire quelque chose donc dans l'islam, il doit absolument donc apprendre à la faire et étudier donc les règles. Étudier donc les règles. Ceci est obligatoire pour chaque musulman et chaque donc musulman. Et après cela, donc, on ne doit pas non plus prendre à la légère et être insouciant concernant le reste de la science, des choses qui n'ont pas été citées dans ce que le shir hafidhahullah ta'ala a dit. Car donc, en apprenant les choses surérogatoires, les bons comportements, en apprenant les mu'amalat, les règles du commerce, ainsi de suite, alors donc c'est par cela que la foi donc va se raffermir, que la foi va augmenter, que la personne donc, en apprenant correctement ses adorations, va devenir meilleure, va avoir un comportement meilleur, va avoir une attitude également donc exemplaire et meilleure. C'est comme cela donc que la personne eh bien donc se parfait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui à qui Allah aura voulu du bien, il lui fera comprendre la religion. C'est-à-dire, il le poussera à apprendre sa religion. Si Allah subhanahu wa ta'ala te veut du bien, il t'incitera, il te poussera, il te guidera donc vers l'apprentissage de l'islam. Et l'apprentissage de l'islam, donc, ça concerne toutes les sciences qui sont donc dans notre religion. Et la science, comme il dit, hafidhahullah ta'ala ensuite, la science est une lumière, et il le répète deux fois, la science est une lumière au serviteur d'Allah, la science est une lumière. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala sort les serviteurs par la science, il sort les serviteurs donc des ténèbres, et de l'obscurantisme, du polythéisme, des péchés et de l'ignorance. Et l'ignorance, comme il poursuit ensuite, est la cause de la mécréance. L'ignorance est la cause de l'innovation. L'ignorance et la cause également des péchés. Il dit ensuite, et c'est une parole importante, il dit ensuite, hafidhahullah ta'ala, que parmi les bienfaits et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, donc habitants dans ce pays, et surtout donc ceux qui sont dans le sud de la France, c'est qu'il a mis parmi nous une personne à travers laquelle et auprès de laquelle donc nous pouvons étudier notre religion. Et il parle ici donc du noble Cheikh Abu Abdel Halim Abdel Hadi Al-Jazairi, Hafizahullah Ta'ala, donc imam et professeur à la mosquée Sunna de Marseille. Il poursuit ensuite et il invoque donc en faveur du Cheikh et fait ses éloges en disant donc que c'est un Cheikh qui est respecté et respectable. Que c'est un Cheikh, donc notre Cheikh Abdel Hadi, qui est venu donc plusieurs fois ici à Toulouse, est un Cheikh donc qui est connu auprès des savants et qui est connu auprès des grands savants, pour ceux qui en doutent encore, qu'il est donc réellement yani muzakka wa muthna muthniun alayhi, c'est-à-dire donc il est connu et qu'il est donc recommandé par les autres savants, par les grands savants qui ont incité les gens de France à revenir donc à lui et à prendre la science de lui, et ce donc dans de nombreuses interventions des savants dans le passé et même encore aujourd'hui, comme ce fut le cas donc il y a quelques jours dans la parole de Cheikh donc Mahraz Hafidhahullahu Ta'ala. Et là je rajoute une parenthèse, c'est qu'on entend des gens qui se trouvent des prétextes pour pas revenir au lama, qui disent oui mais ce sont pas des vraies recommandations ou quoi que ce soit yarni, qui ont été faites à Cheikh Abdel Hadi. C'est-à-dire que les savants font des recommandations, les étudiants attestent de cela, et on a des ignorants et des ignorantes qui disent non, mais en fait, qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, et qui pensent qu'ils peuvent analyser eux-mêmes et comprendre la parole des ulama. Yani, si les tullabs ne comprennent pas la parole des ulama, qui c'est qui va la comprendre? Donc, yani, balayez d'un revers de la main ceux qui vont dire des choses donc, sur notre noble shir, Hafidhahullah Ta'ala, et revenez aux paroles des savants, yani, qui disent du bien de lui, qui disent qu'il a des efforts immenses dans la propagation de l'islam à Marseille, dans le sud de la France, et partout, donc, partout dans le pays, dans toutes les interventions qu'il peut faire, et même des fois à l'étranger, dans d'autres pays en Europe. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donc, bénisse ses efforts et le protège et le raffermisse. Il dit ensuite donc, prenez la science de lui et prenez-le comme exemple également. Donc prenez-le comme exemple et revenez à lui. Revenez à lui donc dans les questions religieuses, dans ceux qui posent problème dans les questions donc religieuses. Et prenez garde des prêcheurs qui prêchent vers l'égarement, comme les takfiriyin. Et on sait combien ils sont nombreux et présents donc de plus en plus. Il parle donc, et faites attention à cela parmi les tablirs, parmi les ikhwan, parmi les takfiriyin. Et soyez-vous, gens de la sunna, donc, soyez des exemples, soyez des modèles à suivre, soyez donc prêcheurs vers Allah subhanahu wa ta'ala et vers le droit chemin pour les gens qui se trouvent dans ce pays. Pratiquez correctement l'islam, adorez correctement votre Seigneur, et comportez-vous de la meilleure façon et ayez les meilleures relations avec les gens donc ici pour être donc des exemples et des modèles à suivre qui représentent le vrai islam alors qu'aujourd'hui il est bafoué. Et prenez garde ensuite aux péchés, car les péchés donc sont nombreux et qu'Allah donc ne les multiplie pas, et ils sont nombreux surtout dans ce pays où tout est permis, où tous les péchés donc sont à portée de main. Donc craignez les péchés. Craignez pour vous-même les péchés et craignez donc le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il donne plusieurs conseils pour cela. Donc, soyez assidus à la prière obligatoire. Et soyez assidus donc pour les hommes à la prière en commun dans les mosquées. Et accrochez-vous à la sunna, accrochez-vous aux livres, accrochez-vous donc à la voix des salafs. Et prenez des savants, écoutez les savants, revenez à leurs paroles. Et notamment, alhamdulillah, ici, donc, à quelques centaines de kilomètres, donc, revenez au Cheikh Abdel Hadi et consultez-le, et revenez donc vers lui, et revenez à lui dans les questions. Et apprenez la science. Apprenez donc votre religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui emprunte un chemin dans lequel il recherche du savoir, c'est-à-dire le savoir religieux, alors Allah lui facilitera un chemin vers le paradis. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, également, la vie d'ici-bas est maudite. Il n'y a rien de bon. Tout est mauvais, sauf le rappel d'Allah, ou ce qui mène au rappel d'Allah, ou alors donc un savant qui apprend donc la religion, qui l'enseigne, ou alors un muta'allim, c'est-à-dire donc celui qui prend la religion donc du savant. Donc il dit ensuite donc hafizahullah ta'ala, faites partie de eux. Faites partie de eux, faites partie donc de ceux qui apprennent la religion. Faites partie de ceux qui cherchent à connaître, à obtenir donc le savoir sur l'islam, et ainsi donc vous serez préservés et sauvegardés. Fi dunya wa fi al-akhirah. De même que respecter et porter de la considération aux étudiants en sciences, aux étudiants en sciences donc qui vous apprennent votre religion. Et je le dis donc ensuite pour l'enregistrement, il cite notamment donc un des élèves de Cheikh Abdel Hadi, Akhuna Jamali, donc qui fait partie des élèves de Cheikh Abdel Hadi et qui fait donc de nombreux cours et qui est utile également et bénéfique dans Marseille et sa banlieue. Et ensuite il dit une chose très importante, Hafizallahu Ta'ala, soyez des frères et aimez-vous à Allah. Soyez des frères qui s'aiment à Allah, ne soyez pas durs les uns envers les autres. Et ensuite donc il nous incite, Hafizallahu Ta'ala, à nous accrocher au livre et à la sunna, à s'accrocher à la salafia, qui est la voie donc de la vérité. Et c'est ceci donc qui nous a été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci était un essai donc de traduction de la parole du Shirba Mahraz, hafidhahullahu ta'ala, qu'il a donné donc il y a quelques jours. Wallahu a'lam wa sallillahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.